Selon une étude de la société Karl Landsteiner de l'année 2013, 60% de la population autrichienne se montre sceptique à l'égard des vaccinations. Mais les citoyens autrichiens doivent maintenant malgré tout être poussés indirectement à la vaccination à travers une vaccination obligatoire prescrite par l'État. Nous nous trouvons devant l'université de Graz. Ici, on n'obtient ni une place d'étudiant en médecine ni un travail si on n'est pas vacciné contre la rougeole et contre la rubéole. De plus, à présent, la ministre de la Santé autrichienne, Pamela Rendi-Wagner, fait un pas de plus. En mars 2017, elle a annoncé sa volonté de faire examiner légalement une vaccination obligatoire générale contre la rougeole pour le personnel de santé. Face à cette violation, le médecin renommé Johann Leubner a organisé le 6 mai 2017, en commun avec l'association Aegis, une manifestation pour un libre choix vaccinal en Autriche. Vous avez initié cette manifestation aujourd'hui. Pourquoi avez-vous décidé de faire cela? Ces derniers temps, des choses se sont passées en Autriche qui nous ont beaucoup préoccupés. De nombreuses personnes se sont tournées vers nous et étaient très inquiètes. En secret, calmement et sans faire de bruit, une vaccination obligatoire a été mise en place pour des professions déterminées. Nous-mêmes, nous trouvons que cela est inadmissible. Alors, nous avons compris que nous devions organiser une manifestation pour dénoncer cela publiquement. Une grande partie des gens a encore trop peu réfléchi et elle croit toujours ce que les fournisseurs des vaccins nous racontent sans cesse à travers les médias. Que la vaccination protège et que la rougeole est dangereuse et toutes ces choses. Et ça, ce n'est pas correct. Nous voulons que ce sujet soit vraiment discuté et communiqué publiquement, mais aussi dans la sphère politique et qu'on écoute autant un point de vue que l'autre. C'était l'initiateur Johann Leubner. Vous trouverez un reportage sur la manifestation sous le lien affiché. Mais à vrai dire, qui est le docteur Johann Leubner? Voici quelques faits. En 2009, le docteur Johann Leubner a été rayé de l'ordre des médecins à cause de ses conférences critiques et de ses publications. C'est seulement 4 ans plus tard que l'interdiction professionnelle prononcée contre lui a été levée après que la cour du tribunal administratif autrichien lui a donné raison. Depuis ce temps-là, la conclusion suivante est valable en Autriche pour tous les médecins critiques face à la vaccination. La fiabilité et la compétence d'un médecin ne peuvent pas être mises en doute sur la seule base de son point de vue à l'égard des vaccins.